La matinale Académie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 6h passées de 1 minute. Bienvenue sur Fadjet, bienvenue dans la Matinale Académie. Un de mes rêves d'enfant se réalise, faire une émission matinale. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire dans les 40 ans d'existence de Fadjet. Et j'ai choisi ce petit créneau, on va vous accompagner pendant une heure ce matin, entre 6h et 7h et demain matin, dimanche, entre également 6h et 7h. Je ne suis pas seul, eh bien c'est avec un grand plaisir que je retrouve quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de souvenirs également. On va en parler, c'est une émission, c'est une matinale souvenir dynamique, on va jouer ensemble. Je salue Sue Hélène, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Et enfin pour m'accompagner également ce matin, c'est toujours un honneur quand on a la chance de transmettre. Bah oui, et c'est toujours un bonheur de transmettre, et j'ai Manon avec moi qui a rejoint aussi la grande famille de Fadjet, comme dirait Fabienne, depuis quelques années maintenant, avec donc Manon qui est connue pour le Manon Série Quiz dans Destination Série. Bonjour Manon. Bonjour à toutes et à tous. Ça pique, il est tôt. Bon, on va essayer d'avoir la forme. C'est vrai que ça pique de se réveiller comme ça, mais c'est avec plaisir. Moi, je me suis personnellement, j'ai très peu dormi cette nuit. J'ai écouté un peu d'ici de là les émissions et je me suis réveillé. Alors, comment ne pas se réveiller? Il était 4h40 avec le Biscast et avec notamment Michael Jackson. C'était vraiment fantastique. Et puis, la Corentin et toute son équipe. On en a appris des choses. Hein. Qui nous ont tenus en haleine. Ça m'a rappelé quand j'écoutais Corentin le vendredi pour ses émissions scientifiques. Et il nous a annoncé encore plein de choses qui vont arriver très prochainement sur Fadjet avec des podcasts. Sue Hélène, en forme? Ça va. Ça fait longtemps que tu t'es pas réveillée de si tôt et c'est que ça. Tu te retrouves à la radio. Hein. Bon. C'est ça. Non, d'habitude c'était 7h. Oui, 7h. Mais pas 6h. Et bien donc, pendant cette matinée, pendant cette première heure, la matinale, la vraie, elle commence dans une heure avec toute l'équipe et les rubriques habituelles. Nous, on va se réveiller avec des souvenirs. Parce que certains qui se sont succédés, beaucoup de gens qui se sont succédés depuis un certain nombre d'heures, puisque c'est la 11e heure de ces 40 heures de direct, n'ont pas l'âge de la radio. Mais malheureusement, j'ai largement plus l'âge de la radio et donc j'étais là presque tout au début et on va un peu se la jouer souvenir avec toutes les premières années, les années 90 et puis demain on s'attachera un peu aux années 2000 de la radio. Des personnes viendront ce matin ou demain matin aussi évoquer les souvenirs de Fadjet. Et eh bien, quelqu'un qui a bravé le réveil, a bravé. En plus, ce qui est sympa, on a de la chance. Le temps est clair, les routes étaient sèches pour venir. J'ai à mes côtés Edith. Edith, bonjour. Bonjour Benoît. Content aussi bonjour de. Bonjour Manon. Bonjour Sue Hélène. De bonjour retrouver effectivement les anciens. Alors, on va pas essayer de faire comme si on était jeunes, mais puisqu'on est là, on est quand même un petit peu resté. Alors, les sages, tu veux dire. Oui. On va parler d'une bande aussi, de toute une équipe qui dans les années 90-2000, bah, ont fait les beaux jours de cette maison-là. Après la bande, après la bande, on va dire des créateurs avec Guy Lescane, Fabienne et toute l'équipe, on en a largement entendu parler depuis le début et je pense qu'on entendra encore parler jusqu'à dimanche midi. Mais là, on est un peu juste après. On a une espèce de bande qui s'est formée avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui avaient envie de se retrouver et qui ont passé beaucoup de temps ensemble. C'est ce qu'on va appeler les années TME, où j'ai commencé la radio avec un complice qui me fera peut-être la surprise de venir. Je l'ai invité, mais on ne sait pas. Il ne m'a pas répondu, le bougre. voilà, c'était Christophe, il y avait toute une bande, il y avait Vincent, il y avait aussi après Bruno, et puis il y a eu des amis à moi que j'ai fait un peu découvrir le monde de la radio, les amis belges. Si vous nous écoutiez dans les années 90, Philippe et Eric, les jumeaux de Liège, qui faisait une chronique également dans cette émission. Une émission qui parlait de musique, de cinéma, qui a inventé plein de concepts et puis qui a aussi fait vivre cette maison avec des grandes soirées, les 300, la 300e émission, la 400e émission. Il y a eu aussi les Fadjets d'or que l'on remettait des prix à l'occasion d'une petite fête, les grands moments aussi de la radio. Et puis il y a eu, j'ai retrouvé dans mes archives, oula, un hommage, un sketch hommage, justement, ça tombe bien qu'elle soit là, d'Edith et Carole. Edith et Carole, c'est celle qui m'accompagne encore, comme je lui ai encore dit cette semaine en lui envoyant un petit message, en lui disant « ce serait bien, Alec, que tu viennes nous voir », mais elle m'accompagne depuis 37 ans, parce que le Haut de 40, que j'anime depuis 37 ans, depuis le 1er décembre 1988, eh bien c'est Carole qui fait les jingles, et les jingles datent de cette époque, et donc toutes les semaines, j'entends, là, et vous entendez la douce voix de Carole. Et donc c'est cette bande là qui et c'est ces deux copines qui ont voulu rendre hommage lors de l'une de ces grandes fêtes pour fêter les 10 ans de cette émission qui s'appelait Transmusique Express. Alors elles ont voulu nous faire ce cadeau. J'ai retrouvé ça, j'avais un peu oublié, mais c'est 6 minutes de bonheur. Écoutez comment elles parlaient de nous avec talent. Alors c'était l'époque, on n'était pas encore à l'époque de l'improvisation, hein, dans les années 90. C'était pas encore quelque chose qui existait vraiment, hein, le théâtre d'improvisation. Mais franchement, quand on sait ce que Carole et puis a fait, je sais pas si non, t'as jamais trop fait d'impro, toi, Edith? Non, j'ai essayé un mois, voilà, après, au mois d'août, et puis non. Carole, moi, j'aime bien les choses cadrées. On a fait beaucoup. Bah, pourtant, tu vas voir. Je trouve que pour de l'impro, pour de la quasi-impro, eh ben c'était vraiment très très bien. On se replace, alors nous sommes en 1998, cette émission de Fadjet fête ses 10 ans. Et pour nous rendre hommage, Edith et Carole, eh bien nous avaient fait ça. Bonjour Edith et bienvenue dans l'émission 94 de Service Compris. Bonjour Carole, bienvenue dans l'émission Au plaisir de lire. Bon allez, salut Edith. Oui, on se dépêche quand même. Oui, bah oui, parce que tu sais, j'ai faim et puis on sait pas combien de temps on va passer. Moi j'ai assez mal à la tête, alors je sais pas si je vais beaucoup réfléchir là. Tu veux que je te file la cachette? Ouais. Bah alors qu'est-ce qu'il faut qu'on... Oui, tu me le donnes, merci. Tiens. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? Oui, alors écoute, il y a Benoît qui est passé au magasin qui m'a dit qu'il fallait qu'on fasse un petit sketch toutes les deux en parlant des 10 ans de TME, parce que ça fait quand même déjà 10 ans et ils vont fêter ça. Et donc sur le thème, sous le jeu soit de l'envie, de la jalousie ou l'admiration. Alors bon, je pense que tu seras d'accord avec moi, on n'est ni envieuse ni jalouse. Oui, c'est pas dans notre tempérament. Oui, a priori, je vois que l'admiration. Hein? Puis c'est vrai que c'est formidable, je veux dire, de pouvoir fêter 10 ans d'émission. 10 ans, c'est pas mal. Alors comment on va faire? Parce que c'est un petit sketch, donc il faut quand même qu'on se prépare quelque chose de sympa, d'original. Eh bien écoute, il y a un truc tout bête en fait. Parce qu'un sketch, c'est... Ouais, mais si on se replongeait 10 ans en arrière. Écoute, 10 ans en arrière, réfléchis, voir. On avait quoi, 6-7 ans, hein, guère plus. Oui. Ah oui, moi, en tout cas, c'était l'âge, là. Ah oui, il y a 10 ans, j'avais l'âge, là. 6-7 ans, je sais pas pour eux, mais... C'est incroyable. 6-7 ans. Hé, hey, j'ai une bonne idée. Et si on se mettait en arrière, si je parlais comme ça? Tu sais, je prends une petite voix comme ça. Oh, c'est pas mal du tout, ça. Oh, c'est même génial. Oh. Alors, comment il faut qu'on fasse? Alors, il faut qu'on soit admiratif. Alors, 10 ans, c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, 10 ans. Faut dire que ils les font pas parce qu'ils sont toujours, finalement, aussi jeunes d'esprit. Oui, et ils sont toujours aussi beaux. Ah oui, ils sont toujours aussi bêtes, hein. Ah non, non, non, non, non. Ah non, ça va pas tirer. Oh, ça c'est jaloux, jaloux, jaloux. C'est vilain, vilain, vilain. Oh, pas beau. Ils vont être admiratif. Oh. Ah oui, admiratif. Ils ont un beau générique, hein. Tu te rappelles au début? Tu te rappelles au début, ils chantaient? Je me rappelle, oui. Je me demande pourquoi ils chantent plus, d'ailleurs. Eh ben, moi, je me pose pas la question, tu vois. Il est bien leur générique, maintenant. C'est un beau générique, ça c'est oh, vrai. Oh oui, beau générique, beau générique. Il est bien. Tu sais, puis si on parle de l'émission, on peut dire quand même qu'il y a eu quelques petits changements, hein, mis à part le générique, au niveau du personnel, par exemple. Ah, ça bouge beaucoup, hein. Mmh. Il y a Christophe, il y a Benoît, mais les gens qui bougent. Oui. Bah, faut dire que c'est pas très compliqué quand il y en a un qui travaille à l'NPE, je veux dire, il a facile d'embaucher et ah, de oui, recruter. Oui. Il vire, il rembourse, il vire, oui. Il rembourse. Virer le petit Vincent. Oh là là. Mmh. En tout cas, je trouve que le petit nouveau, eh ben, il est pas trop mal, hein. Il cause bien quand on le laisse causer. Oui, enfin, faut dire que l'ancien, il causait bien aussi avant qu'on le vire. Oui. Et ils ont les moyens, Kim, parce que je crois qu'ils les envoient loin, ceux qui virent. Pour être sûr qu'ils oui, pas. Oui, ils l'ont viré à Avignon, oh le petit Vincent. C'est dingue, hein, c'est oui, loin. Oui, oui, et oui. Et il y en a oui. Même qui l'ont viré en Belgique. Oh, en Belgique. Et il y en a même un qu'ils ont viré à Gérardmer pour aller tourner dans un film d'horreur. C'est vrai. Ah non. Et c'est un marché? Ah non, regardez des films d'horreur, je sais plus. Je oui, crois. Enfin, c'est pas très grave. En tout cas, ils ont les moyens. Hein, il y en a, ça, y en a oh, même une autre de la NPE qui a été embauchée. Ah, il embauche. En famille. Oui, dans le sein de la NPE, il a embauché une nénette pour faire des voix. Ah oui, ah, c'est celle qui parle. Oui. C'est celle qui parle. Voilà. Et puis au niveau des activités, au niveau des rubriques, ça change ah, aussi. Il y a des activités, hein. Il y a le Lotio, il y a le Bossaview. Mais non, t'es nul. Non, je suis pas nul. Si t'es nul, c'est non, le... je suis pas nul. C'est le Bossa Nova et le Haute 40. Le Haute 40. C'est quoi le Haute 40 déjà? Mais c'est un classement hyper sérieux des meilleures ventes. Ah oui, ils font ça avec tous les magazines et tout. Mais je crois qu'il y en a qui font sur leur goût. Enfin, il y en a qui font, tu vois, ils font le classement en fonction de ce qu'ils aiment. Enfin, ça, je crois que c'est le petit nouveau qui fait ça. Ah. Faut dire que les petits nouveaux, ça se croit tout permis. Remarque, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est vrai, hein. Mm-hmm, oui, mm-hmm. C'est vrai. Et puis, c'est dur, hein, de faire le classement. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. C'est vrai. Et tout ça, c'est pour TME. Et TME, tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire Transmusique Express. Non, ça veut dire tu m'ennuies. Oh, c'est vilain, ça. Oh, c'est mais pas... non. Si je parlais pas de l'émission, je parlais de toi et tu m'ennuies. Tu m'énerves, toi. Oh, tu es pas gentil pour l'émission Jaloux Jaloux. Non, non, non, non, non. C'est, tu m'énerves. C'est toi qui m'énerves. Ah, et ben c'est très moche à entendre. Quoi? Bah, c'est toi. C'est pas gentil, c'est pour TME. Mais c'est de toi que je parle. Non, TME, moi, je sais ce que ça veut dire. En fait, c'est une très merveilleuse émission. Oui, enfin, là, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Non, j'en fais pas trop. Puis d'ailleurs, tu m'énerves sérieusement. Puis j'arrive plus à parler comme ça. Non, c'est pas une bonne idée parce que j'ai vraiment... J'ai mal à la gorge à force de parler comme ça. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve... Mais t'as qu'à prendre ton cachet, déjà. Je te l'ai donné tout à l'heure. Oh, écoute, tu m'énerves vraiment. Écoute, bon, on va pas se prendre la tête. Je crois que c'est pas trop... Non, ça va pas, l'idée qu'on a eue. Bah non, c'est pas terrible. Puis en plus, on disait qu'on était admiratif et puis on arrête pas de dire des cochonneries. Oui, c'est pas sympa, oui, c'est vrai. Et puis c'est même pas vrai tout ça. Parce en que fait, finalement. Hein, t'es un peu jalouse quand même, toi, non? Ouais, mais il y a de quoi aussi. Ouais. Bah alors, c'est vrai que quand on en sera à 10 ans quand même, l'émission Plaisir de lire. Enfin bon, c'est pas pareil, c'est une émission culturelle donc. Oui, ça n'a rien à voir. Oui. Alors, attends, j'ai une autre idée, on pourrait faire un truc beaucoup plus simple. Ah bon? Et puis, parce qu'il faut que ce soit 2-3 minutes, faut pas que ce soit trop long en fait. Ah oui, d'accord. Attends, viens voir. Oui. Ouais, ah, ça te dit? D'accord. C'est plus sympa, oui. Hein, ça fait toujours plaisir. Oh, puis ça attends, dure alors je... il a dit quoi? C'est le bouton play? Oui, il oh. A déjà mis sur rec. D'accord. Voilà, celui-là. Play, ok. 1, 2, 3. Happy birthday to you, trans. Happy birthday to you, musique. Happy birthday to you, express. Happy birthday to you. Happy birthday to TME. 40 ans de souvenirs et moi ça fait déjà presque 30 ans. Ça date donc 98, Edith Carole dans cet hommage à cette émission, voilà, que j'animais pendant 13 ou 14 ans. Cette émission là, elle a duré 14 ans, voilà. Ça chante bien. Hein. J'ai découvert un talent. Ça parle bien aussi, comme ça. Ah, elle a retrouvé sa voix. Non, oui, parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, en fait, il y a 10 ans, j'avais 10 ans. Exact. C'est vrai. On a parlé aussi. Dans ce petit sketch, d'autres émissions. Alors, au plaisir de lire, parce que Edith, elle a aussi fait d'autres émissions à la radio, au plaisir de lire, une émission où on découvrait des livres, hein, qui a duré quelques minutes. Et puis aussi, moi, c'est une émission qui m'a marqué parce que j'étais pas fan. J'ai jamais été trop fan de. Si, je lisais des BD quand j'étais jeune, Tintin, voilà, Sylvain et Sylvette, Astérix, Lucky Luke, mais sans plus. Et un jour, on me dit, Mystère et Bulle de Gomme. Je dis, super, c'est un super nom, c'est quoi? Et ben, c'était une émission de bande dessinée. Et je dis, faire une émission sur la bande dessinée. Et finalement, on rentrait dans des histoires. Il y avait 2-3 BD par épisode avec un peu d'actu sur les salons. Des choses comme ça, et puis vous avez été faire des reportages avec. Il y avait Daniel à l'époque, et toi qui faisais ça. Et puis Christophe. Et Christophe également, vous étiez trop là-dessus. Et ça a duré un petit moment aussi, hein, dans les années 90. Alors j'ai pas. Oui, je pense une petite dizaine d'années aussi Mystère et Bulle de Gomme. Enfin, on a fait ça en famille avec mon frère. Exactement, Daniel, on l'embrasse, il nous écoute ce matin. Grâce à nous, je sais pas si tu as vu, mais la BD est maintenant. C'est un phénomène. Effectivement, voilà. Maintenant la BD est devenue. Mais ça, à l'époque, c'était un peu. C'était plus confidentiel. C'était un peu inédit. Et puis surtout, on n'a jamais fait mieux pour le nom. Mystère et Bulle de Gomme. Franchement, là, c'était quand même très recherché. Voilà, donc là, on fait un peu on se rappelle des souvenirs, mais c'est une période aussi, et c'est important de se souvenir de ce qui a marqué ces années-là, avec d'autres émissions et d'autres acteurs de la radio, de la station. Tout ça, Daniel, Christophe, faisaient partie un peu de cette bande des années 90, où effectivement chacun avait son émission et on se retrouvait autour de projets communs. On y reviendra tout à l'heure dans ce que j'ai appelé les années feuilleton, parce qu'il y a eu aussi ça qui a un peu fédéré la station, le fameux résidence Jean Lamour. Voilà, on en reparlera dans quelques instants. Mais Edith et Carole en ont parlé. Il y a eu le 1442e Haute 40 à 19h hier. Déjà ? Eh oui. Alors là, je me tourne vers Sue Hélène, qui a eu sa période, si vous ne vous rappelez plus. Eh bien, il y avait une période où j'étais un peu plus feignant et j'avais un peu abandonné cette mission-là. Tu l'as fait pendant combien de temps ? Je ne sais pas. Au moins... Depuis 2000... Fin 2003. Ou 3, je sais plus. Jusqu'à, je sais plus. Jusqu'à, j'ai dit au moins 5-6 ans, hein, au moins. Hein. Ça mérite d'être clair. Voilà, ça passe vite, hein, puis on perd la mémoire un peu quelquefois si on ne le note pas. Et donc voilà, je faisais le Haute 40 et je l'envoyais à Sue Hélène, et ben, qui le montait. Et qui, non, moi je faisais les voix et c'est Jean-Luc qui montait. Ouais, voilà, bon, ça reste en famille aussi. Vous voyez, c'est toute une grande famille ici. Donc voilà, Sue Hélène faisait les voix et Jean-Luc montait. Voilà, et depuis j'ai repris un petit peu parce que c'était à l'époque où tout n'était pas encore, on n'était pas tous équipés à la maison. On n'avait pas la possibilité de monter avec un simple ordinateur des émissions de radio. Hein, Corentin nous dirait que maintenant on peut et qu'avant on ne pouvait pas. Hein, mais donc effectivement maintenant on est un peu tous équipés avec un simple ordinateur et un logiciel. On arrive à faire du montage chez soi. C'est quand même ma foi. Et un micro, c'est quand même fantastique. Oui, t'as raison, Swellen. On a encore besoin d'un micro. Et donc, voilà. Donc, presque 40 ans, 37 ans de Haute 40. Alors, j'ai décidé de faire un petit jeu. Alors, attends un petit peu avant. Fadjet, 40 ans à vos côtés. Carole, encore. Ah oui, c'est Carole également. Oui. Alors voilà, on a donc d'ici demain, j'ai divisé les périodes, quatre décennies. On va jouer avec la période 1985-1995. Donc, c'est simple, on va écouter un petit extrait musical. Je vais vous dire qui c'est, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne reconnaît pas forcément. Et c'est juste simple, il faut me dire si c'était dans cette décennie-là ou pas. Je vais être nulle à ça. Je suis pas trop de la période, quoi. C'est pas trop ta période, ça, je dois l'avouer. 85, 95, t'étais loin d'être... Quoique, je pense que moi, ça s'est arrêté en 95, à peu près, vers la connaissance musicale. Ouais, alors, on va voir. Allez, on commence tout de suite avec le premier extrait. Alors, pour rien de vous cacher, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, cet extrait-là. Pourquoi, j'en sais rien. Mais allez, on écoute. Alors ça s'appelle Fun House et c'était Dancing Easy. Moi, je pense que c'est dans la période. Alors, donc, Edith pense dans que c'est dans les années 90, 85, ouais. 95. Ouais, ouais, du 90, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez raison, effectivement, c'était numéro 1 du Hot 40 le 7 juillet 1989. Et ouais, moi, ça me rappelle mon bac, tu vois. Donc, je pense, oui, c'est ça. C'est... Voilà. Donc, tu révisais le bac en écoutant Fun House et en dansant sur Dancing Easy. C'est sympa, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est. Mais, comme dit Edith, il y a la. Il y a la 80. Il y a la touch années 80, hein, 90. Donc là, allez, on écoute quelques instants de Fun House, Dancing Easy. Il est 6h21 dans la matinale Academy. Et comme on le disait hors antenne, c'est vrai que ça ne passe plus du tout. C'est vrai qu'on a, dans les années 80-90, effectivement, il y a des tubes qu'on entend, qu'on réentend régulièrement, mais celui-là n'en fait plus partie. Alors, le second, là, est un peu plus connu, même si on l'a un peu oublié. Mais c'était un truc qui cartonnait. En fait, c'est ça, t'as pris que des trucs qu'on souvient pas. Oh, si, non, ça, je suis sûr, vous en rappelez. Allez, on écoute. Un groupe américain, ils étaient un certain nombre, des Blacks. Les Boys to Men. Ouais, le nom me dit quelque chose. On attend le refrain, ça va vous dire quelque chose le refrain. Alors, 85, 95 ou pas ça? Ah, si c'est un boys band, c'est après 85. Ouais. Oui, après. Ouais, dans le style musical, ça fait plus jeune. Après 95. Enfin, plus tard, quoi. Plus tard. Eh bien, non. Ah. Nous sommes en 92. Et c'était numéro 1 pendant près de 2 mois. C'était à Noël 92, novembre-décembre 92, pendant près de 8 semaines. Un gros carton aux États-Unis et ça avait envahi l'Europe. On dirait du Bruno Mars un peu. Ouais. Oui, c'est des voix un peu. Mais ils chantaient un peu tous ensemble, tous en même temps. Ça faisait un peu chorale. Alors là, attention, là. C'est toute une époque. Ah. Allez, vas-y, lance, Solène. Rick Astley. Take me to your heart, Rick Astley. On les a les 90, ouais. Ah bah là forcément, hein, c'était le tout début du Hot 40, numéro 1 en janvier 89, juste après Mylène Farmer. Rappelez-vous cette époque, pourvu qu'elle soit douce, un des premiers cartons, des gros cartons. Il y avait c'était eu... l'époque où elle faisait des gros cartons. Et à chaque titre, ouais. T'aurais mis Mylène Farmer, là, oui. Oui, mais Mylène Farmer, on l'entend quand même, voilà, c'était plus... Vous vous rappelez pas, Ricasté? Toute l'époque des Stock Aitken Waterman. Je n'avais toujours que 7 ans. Ah, et pour de vrai, je n'étais pas née, pour de vrai. Pour de vrai. Bon, alors vite, du coup, moi j'en avais facilement 10 de plus. Donc j'écoutais pas la radio. Un peu plus que 10 un de plus. Un peu plus. Allez, 22 plus, vas-y Benoît, tu peux le dire. Oui, 22 plus. Ouais. Ça fait mal, hein. Ouais, tout juste 19 de plus. Ah bon, d'accord. Ça fait moins mal. Voilà, Rick Astley, donc c'est toute la période Stock Aitken Waterman. Et qu'est-ce qui reste de l'époque de Stock Aitken Waterman? Quelle est la seule qui reste de cette époque-là? La seule, Madonna? Non. Il faisait un duo avec... une Australienne. Ah, Cindy... Non. Cindy Lepa? Non. Comment elle s'appelle? Kylie Minogue. Voilà, bravo Edith. C'est aussi l'époque des Stock Aitken Waterman. Okay. Especially for you avec Jason Donovan. Elle a fait The Locomotion. Et puis I should be so lucky. Bon, vous savez que je chante, hein, depuis 37 ans, je chante à la radio, donc ça va pas s'arrêter. Alors, un petit dernier pour cette première vague 85-95. Celui-là, on l'a bien ressassé, hein, aussi. Je pense que vous allez le reconnaître. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that did. Alors ça c'est Coolio avec Gangsta Paradise. Et celle-là elle est revenue à la mode de malade, hein. Oui, c'est vrai. Même moi je la connais. Bon, alors si toi tu la connais. Alors, 85-95 ou pas? Oh bah oui, plus vers les 95, ouais. Plus tard. Alors, oui, sous Hélène, alors, est-ce qu'on est... Non, mais avant 95, ça se rapproche des 95. Eh ben, vous étiez pas loin, mais c'était de l'autre côté. 96, numéro 1. Ah, une année près. Oui. Février 96, pour Coolio Gangsta Paradise, on a une petite pensée pour lui, parce que il est plus là, hein, donc... Ah oui. Je crois qu'il a dû se faire assassiner, ce brave Coolio, je crois. Mais bon, c'était... Voilà. Il n'y a pas une vie facile. Des choses qui arrivent. Oui. Bah bon, si, ça arrive, c'est vrai. Pas à tout le monde, mais ça arrive. 6h29 dans la matinale Academy. Alors, on est déjà un peu à la bourre, hein, parce qu'évidemment... On parle et encore, on n'est pas trop nombreux. Donc ça, c'était une première salve de Hot 40. Maintenant, les années feuilletons, je vous en ai parlé. Alors là, on est en 1997. Et cette bande de potes dont je vous parle, qui faisait TME, qui faisait Au plaisir de lire, qui faisait 94 de service compris, on a ratissé l'âge, on était les chercher un peu partout, eh bien, ont participé à un grand projet, La Résidence Jeune Amour. Ça a duré pendant deux ans et demi. Il y a eu une première saison qui s'appelait Résidence Jeune Amour, une autre partie qui s'appelait Les Coulisses de l'Audace, avec une bande de potes qui se retrouvaient dans un immeuble, et puis il se passait plein de choses. C'était l'époque à la télé de Beverly Hills ou de Melrose Place, et on avait un petit peu recréé cette ambiance-là. En voici donc rapidement le générique, et puis un tout petit peu du début. Vous allez reconnaître Edith, qui était là et qui jouait une prof, Marie-Hélène Beaupréau, si tu te rappelles. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, allez, on écoute ça. Et puis alors, pour le fun, hein, parce qu'on avait des partenaires. Déjà, à l'époque, on allait chercher un peu de sous, hein, pour nous financer. Si vous avez connu Nancy dans les années 90, 2000, eh bien, voilà, il y avait comment on appelait ça, l'empire du jeu. Hein. Là où il y a le Quick actuellement, si vous voyez près de la gare, il y avait une salle de jeu qui s'appelait le Métropolitain. Et voilà, je pense à Jean-Luc avec qui on avait fait ce petit montage et ce petite moto qui fait vroom vroom pour annoncer le sponsor. Et voilà, quelques 25 ans après, ça n'a pas vieilli. Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Votre feuilleton résidence Jean Lamour vous est proposé par le Métropolitain. L'enfer du jeu. Un nouveau concept de divertissement familial à Nancy. Le Métropolitain. Salut Marie-Hélène. Salut Gaëlle. Cyril. Ah, salut Jennifer. Salut. Entre Franck. Oh, Florian, tu es là ? C'est Samuel. Entre Samuel. Fadjet, Nancy, présente Résidence Jean Lamour. Bonjour, Samuel Ride. On m'appelle aussi DJ Sam. Marie-Hélène Beaupréau, je suis prof. Je donne des cours de musique. Cyril Louvier, je suis employé de banque. Gaëlle Durtal, je travaille dans le cinéma du quartier. Franck Dournant, étudiant en sciences, je viens de Nantes. Et moi, de Metz, je suis étudiante en lettres, Jennifer Bernet. Président Jean Lamour, Florian Aubin, bonjour. Le jour de la fête donnée par Monsieur Alexandre en l'honneur de la nomination de Florian à la tête d'Imo France est arrivé. Tout le monde est sur le pied de guerre. L'inspecteur Ravan est de service pour assurer la surveillance. Fabrice et Sandrine préparent l'arrivée de Monsieur Aubin. Et les membres de la résidence veillent les uns sur les autres, attentifs aux moindres faits et gestes de Monsieur Alexandre et de Francisco. La tâche n'est pas facile, car pour cette fête en hommage au pays latino-américain, tout le monde est costumé. Monsieur Alexandre, quant à lui, veille au bon déroulement de la cérémonie, tout en soupçonnant le comportement étrange de Grégoire à son égard. En effet, Grégoire a appris de la bouche de Francisco que c'est Monsieur Alexandre qui était responsable de la mort de son père. Même Rick agit d'une manière bizarre. Au cours de la soirée, Monsieur Alexandre surprend une conversation entre Tonio, Jimmy et Rick. À son insu, Francisco veut faire abattre Florian. Monsieur Alexandre comprend qu'il est tombé en disgrâce et qu'on cherche aussi à lui régler son compte. Résidence Jean Lamour. 32e épisode. Voilà, c'était à cette ambiance-là. Voilà, on a fait près de 60 épisodes, hein, presque, sur 2 ans. Ça a représenté un travail de dingue avec Jean-Luc. J'ai une pensée aussi encore à lui, parce que c'est vrai qu'on était un peu indissociables et on passait nos week-ends ici à la maison. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas d'enfants. Hein, c'est... Ouais. On n'avait pas de femmes non plus. Donc, du coup, ça arrangeait aussi les choses. Donc, Benoît à l'écriture, quand même. Et ouais, c'est vrai que j'en ai passé du temps pour à écrire tout ça. Plus belle la vie, un précurseur. C'est un peu ça, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'était un peu l'époque. Ouais, avec des rebondissements à chaque épisode. On moi, j'ai même pas reconnu les voix. Elles sont hyper jeunes, vos voix, c'est fou. Ah, Benoît, on le reconnaît quand même. Ouais, non, j'ai pas capté tout de suite. J'ai pas trop changé, ma voix est pas la même, non. Mais on n'a pas changé, regarde. Sous Hélène, pareil. Et puis Edith, nos voix n'ont pas trop changé. Bah, je sais pas. Oui, alors aussi Lusiane peut-être. Attends, Benoît, parce que voilà, si Manon nous dit que ça a changé, c'est que toi... Ouais, nous, on se voit pas, si tu veux. On s'entend pas non plus vieillir. Ouais. Ok, bon, bah, c'est si vous le dites. allez. Une autre, sous Hélène, hein, c'est ton moment. Oui. Si tu as envie de nous faire participer de la manière dont tu veux. Bah, l'histoire de la radio. Un peu d'histoire de radio, pour savoir si on est à jour. Oula. On n'a pas révisé, si tu veux. Alors, Fadjet n'a pas toujours été officielle avec la station actuelle. Avant, oui. Elle était quoi? Pas officielle. Oui, non mais... Pirate. Elle était pirate. Voilà. Ah, et merci. Ça a commencé en quelle année? 83. Oui, 83, c'est 84. Ça. 84, oui. Donc, c'était donc en 84. Elle émettait pas très loin, hein, dans le quartier. 49. 47, non, pardon. Non, 47. Elle était même à rue des Ponts. Oui, rue des Ponts, c'est vrai, oui. Donc, voilà. Donc, la date officielle... C'était pas une question, en fait. Non, là, non. On est, elle est arrivée trop vite. La date officielle. Eh ben, oui. Oui, elle a eu sa première 85. Bande. Enfin, truc FM, là. Oui. Attribution, c'est attribution le 7 février. Par le CSA. 7 février de 1985. Ça fait 40 ans. 40 ans. Et elle avait quelle fréquence? 96.5. Oui, on l'a vu sur les photos. Oui, 96.5. Et avant, donc, on n'était pas ici. Enfin, moi, j'ai pas connu là-bas. Oui. Elle n'était pas très loin. 49 rue Charles-III. On disait, on va au 49. Hein. Ouais. Et en fait, c'était si visuellement, si vous voyez un petit peu où on est situé actuellement, il y a l'église Saint-Nicolas. Et bien, on était de l'autre côté. Et actuellement, ils ont construit un immeuble. Ouais. Et c'était au bout de ce chemin-là. Il y a une petite cour, on jouait à la pétanque en été. Voilà, et on descendait un peu parce qu'il fallait, on allait à la cave en fait. Hein. Ouais. C'était un peu une cave. C'est un peu sombre. C'était un peu sombre, mais voilà, c'était bien. Et plus petit qu'ici, non? Et ah bah oui, forcément, oui. Comment a été créé Fadjet? Eh bien... Bah, c'est la fréquence des aumôneries des jeunes de l'enseignement technique. Voilà. Et par qui? Alors, par un certain nombre de personnes, dont la plus connue est Guy Lescane, mais il n'était pas tout seul, il n'aime pas qu'on dise qu'il était tout seul. Et pourquoi Fadjet a été créé? Pour donner la parole aux jeunes de l'enseignement technique. Alors, c'était aussi pour donner à croire. Alors, Guy disait, c'est d'abord pour donner à croire en soi, ensuite aux autres. Et comme c'est un prêtre, voilà, l'idée, c'était d'amener éventuellement après à croire en Dieu. Mais voilà, moi, j'aimais bien cette idée d'abord de croire en soi. On peut rien faire dans la vie si on n'arrive pas d'abord à croire en soi. Oui, parce que cette radio a aussi permis à beaucoup de gens de se reconstruire. Oui. Parce qu'il y avait voilà, des moments de la vie qui avaient fait que, eh bien, ils se retrouvaient seuls ou qu'ils ne, voilà, et ils venaient ici et c'était un lieu de vie pour apprendre aussi à reprendre confiance. Et c'est toujours, oui, c'est vrai, c'est toujours. Oui, t'as raison. Fadjet, c'est 5 lettres oui. Qui veulent exactement dire... Fréquence de l'aumônerie des jeunes de l'enseignement technique. C'est bien. Mais c'est aussi, on peut, si on sépare le fa... Et un jet. Un jet, oui, voilà. Oui, effectivement, à un moment donné, il y avait des jingles avec, comme si on s'envolait avec comme un jet. Et au début, ça devait s'appeler... RA. Radio RAT. Radio des enseignements des aumôneries techniques. Des aumôneries. C'était pas terrible, ils ont trouvé. Ouais, c'est vrai que... Et c'est à partir de quelle année que Fadjet a eu la fréquence 94.2 FM? Moi, je crois que j'ai toujours connu, alors... Enfin, dans mon souvenir, après, je... 89. Bien. Voilà. Et à quelle occasion? Eh ben, un changement de fréquence. C'était la nuit bleue. C'était la nuit bleue, non? C'est pas ça? Voilà. C'est ça, suite à la mise à jour des fréquences d'une région à l'occasion d'une nuit bleue radiophonique. Et on avait déjà fait une nuit, du coup, comme on avait fait tous une nuit bleue. On s'était relié à l'antenne pour faire effectivement le passage d'antenne à l'antenne. D'accord. Bah, la suite, ça sera pour demain. Très bien. Merci. On est fort, tu peux le dire. Oui. Vous avez connu les débuts. Oui, c'est vrai. Là, tu t'adresses à. Il y aurait eu que Manon, ça aurait été plus difficile peut-être. Allez, vite, on va rejouer rapidement parce que si on veut que Manon, quand même, fasse son Manon morning quiz. La période, Manon, on est entre 98. Non, entre. Non, 95, pardon, et 2005. Et 2005. Merci, Swellen. On commence tout de suite avec, toujours donc, pour retrouver si c'était la période du Haut de 40 ou pas. On rejoue avec le Haut de 40. Vas-y, on commence. Moi, vu ton lapsus, je dirais 98 comme année. Non, j'ai pas fait de lapsus. Non, c'est moi qui fais un lapsus sur mon truc. Alors là, c'est on reconnaît ça. C'est Cher, Do You Believe. Oui. Alors, est-ce qu'on est dans la période 95-2005? Oui, oui, oui, oui, en plein dedans. Là. Oui, oui, oui. Au début quand même. 96, tout au début, 96, effectivement. On 98. Est tout au début. C'était en janvier de l'année 98, Cher, avec Ah bah alors, quand je t'ai dit que c'était en 98, tu m'as dit non. J'avais pas c'était pour nous tromper. Allez, attention, là, alors ça, celui-là, on, si vous êtes gentil, vous aurez ma version demain de La Sketchup, The Ketchup Song. C'était en quelle année? Début 2000. Tu connais Manon? Oui. Et j'étais surpris, je me rappelais plus, parce que pour moi ça c'était un tube de l'été. Ouais, ça ressemble, ça, c'est bien. Et c'était pas le cas. Eh ben non, en fait c'était un tube de l'été en Espagne, et c'est arrivé plutôt à la rentrée, car ça a été numéro 1 du Haut de 40. De septembre à novembre 2002. Ouais, ah, septembre, oui. C'est encore un c'est peu la l'été. Rentrée, oui, c'est la rentrée, mais voilà, on l'a découvert plus tôt à la rentrée. Ouais. Et ça a fait le carton au printemps-été en Espagne. C'est vrai, il y avait là, effectivement, vous vous rappelez, on se met. Ah, oui, là, oui, c'est oui, pas très radiophonique, mais. les mains, on mettait les mains sur l'autre, les yeux au-dessus des effectivement. Autres. Et ça, c'est vrai que. On n'a jamais eu ce genre de. Elle est unique, cette chanson-là. On a souvent les chansons qui marchent, on essaie de les, elles sont un peu repompées, mais celle-là, elle reste un ovni. Après, peut-être qu'en Espagne, Oui, peut-être qu'il y a des chances de ce même type là, mais à 6h42, on se réveille sur la Sketchup dans la Matinale Academy. Allez, dans un peu plus d'un quart d'heure, vous retrouverez toute l'équipe de la Matinale, la vraie. Et on attaque avec maintenant celle-là, alors là aussi, un grand classique. Britney Spears et son classique Oops, I Did It Again. C'était c'était un de ses premiers. C'est le premier titre de Britney Spears à l'époque. Elle est pas très vieille maintenant. À l'époque, oui, tout le monde était fan. Hein. Toutes les filles s'habillaient en Britney Spears. C'était dans les cours de récréation. C'était la folie pure. 2004, 2003. 2004, on m'a dit. Dans les 2000, ouais, début 2000. Soit elle me dit 2000. Ouais, début 2000. Ou alors c'est dans les 99. On voit quand même que elle est quand même pas très vieille maintenant encore. Donc elle a quand même. Elle doit avoir bien 40 ans, non, Britney Spears? Bah oui, mais regarde, dans les années 2000, elle a commencé à chanter peut-être un peu avant 20 oui, ans. Mais... Oui, c'est ça. Oui, elle était, même si voilà, elle chantait elle avant, pas. Mais dans ce style-là. Là, elle devait, effectivement. Eh bien, vous avez, Souhélène a raison. Elle a 43 ans. Oui, tu vois, 40 ans. Elle était numéro 1 en l'été 2000. L'été 2000. Voilà, tu faisais peut-être déjà les autres 40 ans. Non, je suis arrivée fin 2003. C'est pas ton époque. Non. Époque haute 40. Britney Spears, donc, numéro 1 pendant tout l'été 2000. Donc, elle était très jeune. Elle était très, très jeune, ouais. Elle avait moins de 20 ans, elle avait 17 ans. Il y en a beaucoup qui ont commencé jeune. Maintenant, ouais. Oui, c'est vrai. Alors lui, il est pas tout jeune, hein. Il est plus là non plus, mais on en a beaucoup parlé cette nuit, je sais pas, on s'est tous donné le mot, Michael Jackson avec ce superbe titre Slow, qui a été remixé d'ailleurs un peu plus tard, You Are Not Alone, mais on n'est jamais seul quand on écoute Fadjet. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Il n'y a pas, au niveau musical... Voilà, bon, effectivement, Michael Jackson a été un peu décrié, hein, mais bon, ça reste quand même le maître d'un style musical qui lui restera propre, même si, quelquefois, Bruno Mars nous fait penser des fois un petit peu à lui. Oui, aussi. Il a un peu la même voix, mais c'est vrai que cette superbe chanson de Michael Jackson, alors est-ce qu'elle était dans les années 85-2005? Non, moi j'irais plutôt 95. 95, pardon. Oui, dans les années 80, entre 90, 95, pardon, dans les zones-là, oui. Ouais, moi je dis 2004, allez, hop. On a les antipodes, là, on a... Et 99. En fait, j'en sais rien du tout, mais voilà, il faut se lancer, Faut prendre des risques dans la vie. La question, c'est est-ce que c'est entre 95 et 2005? On dit oui. Voilà, donc oui. Alors, par contre, là, on a plutôt fin, plutôt de... Et moi, milieu. Non, et au début, t'avais dit le début. Pourquoi tu... Je me suis trompée. T'as changé d'avis, tu m'as dit... Premièrement, il faut garder toujours sa première... Non, mais j'avais dit dans les années 90, donc après, j'ai dit 99. Non, t'as dit dans les années 95, au tout début. Ouais. Moi je pense que c'est ça. Finalement, je crois que c'est 97. 95 alors. Il était numéro 1 fin 95, en octobre, tout le mois d'octobre 95. Quel flair. Michael Jackson nous chantait. C'est donc du hasard. You Are Not Alone. Voilà, donc c'était les belles époques. Oui, donc, parce qu'après, moi j'ai. Enfin, sur la fin, j'aimais moins tout ce qu'il faisait. Ouais, la fin, le dernier album était un peu plus. Il était déjà un peu. Ouais, moins créatif, on va dire, mais il restera quand même un des grands maîtres du XXe siècle. On reviendra demain avec les deux autres décennies qui nous restent, mais maintenant, place. Et vous avez connu le Manon série quiz. Eh bien, pour l'occasion, Manon décline sa rubrique que vous écoutez toutes les semaines dans Destination Série. On salue Laurent s'il nous écoute et tous ceux qui nous écoutent, pas seulement Laurent, mais tous les autres, hein, qui sont connectés aussi, parce qu'on est même sur Facebook. Hein, si vous nous suivez sur Facebook, voici le Manon, oui. Juste après ça. Ah. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Alors, le Manon Manier Quiz, mais tu as un petit jingle. Ah, on m'avait pas dit ça. Ah si, si, il y a un petit jingle. On a remodelé, fait une nouvelle version. Il n'y a pas dans les bases. Attends, j'ai vu un truc passer. 6h49 dans 11 minutes, la matinale, la vraie matinale de Fadjet. Quelle date ta première matinale? Alors, 16 septembre. 93, je dirais, non? 16 septembre, c'est sûr, parce que je l'ai fait, c'est le jour de ma fête. Ah. Et le jour même, on avait une réunion d'équipe, et je crois que j'ai jamais eu autant de monde qui m'a souhaité ma fête. Oui, c'est très vieux. Assez dingue. Oui, oui, moi, je pensais... me souviens, j'étais de la première matinale de la matinale. Ah, bah voilà, parce que voilà, on n'a pas dit, c'était aussi une des activités d'Edith. Hein. Oui, elle a fait aussi la matinale. Beaucoup d'émissions différentes. Bon bah tant pis, il est plus là, il est pas là, tant pis. Bon bah c'est pas grave. Bon, c'est on le fait, comment ça fait alors Manon Morning Quiz. Alors moi, pas d'histoire de la radio, puisque il y a 40 ans, j'étais même pas en projet, hein, mais je me suis intéressée à cette date, 40 ans. Et donc, j'ai été chercher un peu tout ce qui s'est passé il y a 40 ans aussi, et qui fête son anniversaire aussi cette année de 40 ans. Donc déjà, est-ce que vous avez des petites idées de ce qui a pu se passer il y a 40 ans, que ce soit de la sortie de films, d'événements, de musique? Bon, Palavoine n'était pas mort. Coluche non plus. Non. Voilà, après c'est tout. Sinon, le sida avait commencé son action, mais 85... Dans quoi? N'importe quoi? Non, n'importe quoi. Je sais pas, les films qu'il y avait en 85... J'avais 2 ans et demi, 3 ans. Alors... Non, la boom, non. Non, c'était trop... Ah, c'était avant la boom. C'était 84, 85. Je vais vous donner des... Je vais vous aiguiller un petit peu. J'ai répertorié ça par catégorie. D'accord. On va commencer par la catégorie film. Je vais vous donner 4 propositions de réponse. Il y en a une... C'est bien, tu sais. Il y en a une parmi les 4 qui fête ses 40 ans cette année. D'accord. Okay. La première, c'est Indiana Jones et la dernière croisade. Non. La dernière, non. Vous non, avez non, des dates non. Pour oh, vous, c'est plus dans les années 90, la dernière croisade. Oh non, c'est pas le... Comment il s'appelle, 80. Le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était pas celui-là? Non, c'est non. Il me semble, non. Ah oui, non, mais la dernière croisade, c'est pour moi, c'est dans les années 90. C'est 89. Ah oui, donc d'accord. Pas si loin, bravo. Comment il s'appelait le tout dernier qu'ils ont ressorti après? C'était... Ah non, je sais plus comment il s'appelait le nouveau qu'il a ressorti. Bon, enfin bref, c'est pas ta question. Vas-y. Terminator. Ah oui, bah, ça pourrait. Terminator, ça pourrait. Robocop. Ah. Ça n'a pas laissé non plus des souvenirs impérissables. Ou Retour vers le futur. Retour vers le futur. C'est Retour vers moi, le futur. Moi, j'irais Terminator, moi. Non, c'est Terminator, Retour vers le futur. Retour vers le futur. C'est Retour vers le futur. Le premier Retour vers le futur est sorti en 85. Et donc Terminator est sorti en 84. Ah bon. Donc pas si loin. Et Robocop en 87. Voilà. Bien, c'était vraiment proche. Oui, même. Bah oui, j'ai essayé un peu de que ça soit dans la même période. Voilà, maintenant dans la catégorie événements historiques. Je vais vous donner 4 événements, vous allez devoir me dire. Le premier, c'est l'accord de Schengen. Déjà, est-ce qu'on sait de quoi ça parle? Non, c'est bien après. C'est pour l'Europe, c'est le libre-échange. Oui. Non, c'est pas ça. Après, il y a le lancement de la première navette spatiale américaine. C'était quoi ça? Il faut y réfléchir. Rappelez Corentin. J'avais peur qu'il le dise tout à l'heure. Bon, quand même. Ah bon, alors s'il pouvait le dire tout à l'heure, c'est que c'était peut-être 85. Ou alors l'épave du Titanic qui est retrouvée. Non, c'est non, après. Non. Ou la chute du mur de Berlin. Oh bah non, 89. Non, c'est 89. C'est 89, ça. Ouais, la navette, là. C'est la navette, du coup, comme s'il aurait pu le dire. Et vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Bah, fou. À 80. Donc c'est peut-être pas ça, alors. C'est ça. C'est 81. Ah bon, la navette. Ah bon, bah alors c'est quoi alors? C'est le premier qu'elle a dit. C'était une question piège, il y en a 2 des bonnes réponses. Non. Donc l'ouverture des frontières en Europe s'est faite le 14 juin 85. Donc l'accord de Schengen. C'est Schengen. Ah, je voyais après moi. Et l'épave du Titanic est retrouvée par Robert Ballard, disparu depuis 1912. Et voilà, voilà. Aussi. Et c'était en 85. Ouais. On dormira moins bête ce soir. C'est pas vrai. On va alors, se réveiller moins bête plutôt là. Oui. Voilà, voilà. Et dernière petite question. Là, ce sera plus pour les jeux vidéo. Est-ce que vous avez des petites connaissances sur le jeu vidéo? Non. Alors, là, Tetris, j'avais déjà le jeu de Pong, mais il était plus vieux. Bon, après, il faut appeler Geek World. Allez, vas-y, dis. Alors, je vous propose Mario, donc Super Mario Bros. Non. Tetris. Ah oh, bah, Tetris, c'est sûr qu'il existe. Oui. Zelda ou non. Pac-Man. Non, Pac-Man existait ou... aussi. Hein. Mais Pac-Man était peut-être plus vieux quand même, non? 85, c'est Elle est Tetris même, hein. Et Pac-Man. Ouais. Il y en a deux? Il n'y a qu'une proposition de réponse sur celle-là. Tetris, Pac-Man. Tetris, allez. Mais c'est pas, Pac-Man n'est pas arrivé avant le Tetris? Non. Pas. Moi, je dis Pac-Man. Ouais, moi, j'aurais tendance Pac-Man, ouais. Je vois les petits. C'était une époque, ouais, on jouait ça quand on venait ici, non? Non, mais Tetris, on avait des petites. Des jeux uniques, tu sais, on avait. C'était pas les consoles comme la DS et tout ça, mais on avait des petits trucs de jeux uniques où il y avait déjà des Tetris dessus. Ah, ouais. Et moi, j'ai l'impression que j'étais assez jeune. Le Pac-Man, quand je jouais il est aussi. Enfin, quand tu regardes. Je sais pas. Pac-Man, moi. Bon, Pac-Man, moi, comme je perds tout le temps, je dis Tetris. Pac-Man, c'est les années 80. C'est 80. Donc, ce n'est pas Pac-Man. C'était Tetris, alors. C'est pas Tetris non plus. Bah, c'est 84. C'est Mario, 84, alors. C'était avant. Tu vois, les deux sont avant 80, Mario. 84. Mario. C'est Mario. Mario, le 13 septembre 85. Et Zelda, c'était 86. Donc, c'est vraiment dans la même période, quoi. 86, alors, Zelda, je mettais beaucoup plus tard, moi. Mais bon. Voilà, voilà, voilà. Pour le Manon Morning Quiz. Trop forte. Merci Manon, à demain pour d'autres questions. Allez, on termine avec eh bien, les années Académie Fadjet, parce que dans tout cela, dans toute cette ambiance, cette grande famille de Fadjet, eh bien, il y a les années 2000 où eh bien, j'organisais aussi des jeux à la radio, les vendredis soirs, avec des équipes. Alors, des jeux où j'allais les chercher assez loin dans ma tête, hein. Toujours assez un peu compliqué d'ailleurs, mais voilà, on a passé de très très bonnes soirées, et parmi ces soirées de jeu, voilà, on entend le générique derrière, eh bien, vous savez que moi et le chant, c'est une grande histoire, puisque à l'époque de TME, comme le rappelaient Carole et Edith, les génériques étaient chantés. Tous les vendredis soirs, restez branchés sur votre radio FM préférée, ambiance funky reggae, voilà. Bref. Dans l'Académie Fadjet, je me faisais un plaisir de faire chanter les animateurs qui venaient à la station dans l'émission jouer. Et on en avait même fait un CD, et on va se replonger en 2003 et terminer avec cette belle chanson, cette belle reprise de Renaud, mon bistrot préféré. Alors évidemment, c'est pas forcément, c'est pas un 45 tours, hein, c'est pas un CD non plus. C'est les animateurs qui chantent, et je fais un petit clin d'œil aussi à Pierre, qui faisait aussi des émissions à la radio, et qui n'est Papa Yann, qui faisait aussi avec Laurent et moi dans Destination Série. Et aussi Brigitte, toute cette époque, Brigitte qui faisait Chanson Mania, qui a fait Chanson Mania pendant très très longtemps, et elle avait participé à cette émission, et elle avait chanté Mon Bistrot Préféré en compagnie de Christophe, je crois, que l'on entend derrière. Voici, pour finir cette académie, cette matinale académie avant la grande matinale, Brigitte qui nous chante Mon Bistrot Préféré. Elle veut pas. Brigitte ne chantera pas. Ça allez, arrive, Brigitte, sois pas timide. Vas-y, allez, vas-y, on t'écoute. Bah, ça défile, mais ça y a rien. Ah bon, qui vient de... Bon, moi, pas de Brigitte. Ah bon. Ça passe. Et un autre appareil Ça passait pourtant chez moi, le CD. Ça s'est déenregistré, mais bon, il ne les prend pas. Bon, bah tant pis. Attends, mais c'est le deuxième. Voilà, donc c'était cette époque-là. Oui. Où on jouait et on justement, chantait. Justement, l'appareil est peut-être trop récent. En fait, d'émission, il ne reconnaît pas les CD enregistrés dans les années 2000. C'était une époque où on enregistrait des CD. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus trop. Bah non, on n'enregistre plus les CD. On met ça sur clé USB. Mais sur clé beaucoup USB. D'ordinateurs, on ne peut même plus mettre de CD. Et il y a eu quand même un outil de technologie qui fonctionnait pas mal, c'était le mini-disque. Parce que tout ce que vous avez entendu là, le son reste parfait, hein, à l'écoute. Donc, bon, ça nous a permis d'avoir tous ces souvenirs bien placés, bien prévus. Bon, tant pis, il y aura pas de chanson, donc il faudra que je prévoie autre chose demain. Alors parce que bon, c'est bien. Mettre sur clé peut-être pour demain. Oui, je sais. Je crois qu'on peut mettre. Oui, si ça passe chez moi, je pourrais peut-être le mettre sur clé. Effectivement. Yves tente, fait une dernière tentative. De toute façon, c'est trop tard. Il est 59. Donc Brigitte, accompagne. C'est le temps de faire les changements. Hein? Le temps de faire les changements d'équipe. Oui, d'accord, mais merci. Et de son équipe, Francis, Christophe et Franck. Ah, merci. Voici Yves. Mon bistrot préféré. Merci Yves. La version donc de Renault réadaptée pour vous dans Star People. Et dans quelques instants, la matinale, la vraie, de 7h à 9h. Préféré quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de vague à l'âme ou les soirs de déprime, Marcel, hein, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vis deux ou trois vers en parlant de peinture, d'amour, de chansonnette et de littérature. Il y a là, bien sûr, des poètes. Merci d'avoir été avec nous entre 6h à 7h. On se retrouve demain à 6h avec Solène pour la matinale Académie, deuxième partie. Tout à fait. Et maintenant, on laisse la parole à toute l'équipe de la matinale, la vraie. On a l'habitude de te retrouver, c'est quoi, c'est lundi ton jour, hein? Tout à fait. C'est ça. Eh bien, toute l'équipe est là ou c'est un mélange? Alors, on a un copain du mardi et sinon c'est une grande partie du lundi. En tout cas, merci d'avoir chauffé le studio pour nous. Il fait bon, ça va être cool. Et bah on est ensemble pendant 2 heures juste après. Vous retrouvez du coup l'équipe de la pré-matinale, la matinale Académie, pardon, ouais, que non, je ne vous écorche pas. Demain matin à 6h, c'est ça, c'est sur ça. Les antennes 94.2 ou www.fadjet.net pour les amateurs d'internet. Allez, très et bonne moi, émission. À demain, 10h tout à l'heure. Exact. Avec Alex. Avec Alex. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.